Bonjour, je suis heureux de lire pour vous, de Charles Baudelaire, Le spleen de Paris, autrement dit, les petits poèmes en prose.